إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, quand nous a dit Ali, peine à un événement qui prend place de l'Akhirah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous trouver témoins vivants certaines de cette chose là au dunya. Afin pour sa personne qui n'a iman là, lui réfléchit, lui dit lui-même, si dunya comme ça, bien akhirat ça comment est-ce. Peine à une situation qui prend place, ou bien dans quelque chose qui peut atteindre de akhirat, qu'il soit bon ou bien mauvais, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin met lui. Un petit exemple, bien minime, de dunya. Nous prenons les côtés pas bon. Nous imaginons, si nous mangeons poisson, personne parmi nous ne peut faire manger l'immense lit. Qui fait? Parce qu'on est là qui quand là-dedans. Parce qu'il nous connaît souffrance, si arrivé ça pique de mon lagos, si pas l'île des etc. Nous connaît. Mais moi, imagine-moi un piquant qui fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse sans limite, nourriture qu'il y mettait. Pour ban habitant l'enfer, c'est une boule piquante. Qu'annahu ru'usu shayatin. Ce faux, les commandiers, la tête shaitan. Qui y était, il y a une boule piquante. L'eau, la terre, nous gagne un sel. Juste pour nous expérimenter, mais si dunya comme ça, bien akhirat là, comment est-ce. Pareil comme ça même, quand nous trouvons nous une fin de sortie en famille, nous gagnons un événement, nous nous satisfaisons, mais souvent nous connaissons que Paris 8 est vieille pour finir. Qui fait pour nous rappeler nous-mêmes qu'il y a quelques heures de contentement qui nous passent ensemble, qui nous finit là, mais il y a une place qui appelle Jannah, contentement pas fini là-bas. La joie pas fini là-bas. Plaisir pas coupé là-bas. Les continuer même. Dunia, les bisous finis, les vieilles disaient, t'es fatigué, tu vas dormir. Neveh disait, ça qu'un poil la case demain, je dans le travail. Mais d'Akhirat, c'est pas comme ça. Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, que nous guettons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait ban certaines choses haram, excepté pour nous propre du bien. Parmi ban quelque chose qui fin fait haram, c'est ça qu'il nous appelle la magie. C'est magique. Ou vous dire, moi, guetter, participer. Le fait qu'il fait lire haram, tout sous-entendu là-dedans. Qui fait? Parce que moi, la personne qui payait ma zikla, m'a étonné. Sacré bonne question, bonne point d'interrogation de mon lapin, et avec quoi il fait disparaître? Comment il fait ça? Comment est-ce qu'il fait lire pareil de notre forme? Béline rentre là, comment il saute là-bas? Sacré bonne doute de mon lapin, oui non. L'esprit là continue à aller, il continue, il travaille. Qui fait? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait mettre en la loi, excepté pour toi, aux croyants, ça passe jouer avec ton iman. Parce que c'est un travail chétan, qui veut dire ça, travail chétan, ça? Parce qu'il travaille chétan, quand il fait, il n'est pas fait un travail de principe. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 17, surah al-Isra, quand il peut dire, « Walan tajida li sunnatillahi tabdila » Tu n'as pas trouvé de principe, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de changement. Jamais tu ne trouves ça. Jamais nous ne trouvons de principe, Allah, il n'a pas de changement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait amener la création, je vais vous dire, il fait mettre un principe là-dedans. Qui est un principe? Un principe, par exemple, qu'il y soit pour un musulman ou bien un non-musulman, s'il y apprend, il passe l'examen. Ban principe, Allah subhanahu wa ta'ala fin mette, si tu prends ban quelque chose qui peut faire toi du tout, tu peux souffrir. Ça c'est ban principe. Allah subhanahu wa ta'ala, il partait ban quelque chose arrivé, 5 coups d'inarrivé, jamais il fait ça. Nous imaginons, loin de point critique, j'ai dit parce que nous avons un congé public. Qui fait ça? Nous connaissons. Mais tu vas après. Attends, je ne viens pas parce qu'il nous arrive ça. Je vais vous dire à nous là, Mahashiva, ou dire à la Mahdid. Vous n'avez pas une idole ça, pas un autre bon Dieu. En parenthèse, hein. Mais qui est-ce que nous avons de Mahdid? Qui est-ce que nous avons de Mahdid? Parce qu'il dit parce qu'il dans le Coran, dans le Surah 71, dans le Surah 9, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause le Nuh alayhi salam, quand il peut dire Yaruq wa Nasra, c'est non quoi ça? C'est pas nos bonnes idoles? C'est pas nos bonnes idoles? Donc qui est-ce qui dit, mais où t'en es un imam, quand il dit Siva, il dit Zézil, il dit Ganesh de Manjit? Puis non, il y en a dedans. Si n'est ça, nous voyons, nous arrivons là, ah, il y a ça qui nous vient faire. Sautez. Si n'est ça, quand on arrive, nous avons de mauvais dîmes qui citent le Coran, Firaun, qui nous vient faire? Sautez. Mais non, je veux. Il ne faut pas nous prendre d'une façon comme ça, qui, quand il cite, lui, ah, ben, imam qui nous dit, bah, il a qui nous dit. Mais non, rien. Le Coran nous dit bien que dans le Surah Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala cite nos quatre idoles qui banat fait adorer dans l'époque, Nuh alayhi salam. Nous retournons. Nous connaissons la fête là. Mais quand on a fait besoin d'un gros bassin, vous connaissez ce que je vais faire là? Je vais faire shirk. Je vais m'être associé avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va finir tout un seul coup. Bien, je vous donne l'occasion à une réunion là. Mais ça, ce n'est pas principe Allah. Principe Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? L'Odounia te libre, tu as le choix. Ce n'est que dans l'Akhirat qui les prend toi compte. Mais, quand tu as cherché sur une bonne action, il y a un principe. Comment Allah subhanahu wa ta'ala permet de faire un travail, on trouve que ça va disparaître, de réapparaître là-bas. C'est ça la magie. Qui fait chef presseur, nous pouvons commencer par cette façon-là, parce qu'il existe pour nous comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui est filmé, le principe, et Shaitan et ben les autres qui suivent lui, dans autres façons de faire, pas pour n'avoir aucun principe. C'est quelque chose d'étonnement, étonné, d'ébloui, de faire un événement apparaître. C'est tout. C'est pour ça qu'il nous trouve un parmi les créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené, afin qu'il les tester l'image. Parce qu'un démon, quand il trouve avec ce léger, chef et soeur, vraiment, il trouve disparaître devant lui. Il dit, au moins, il trouve avec mon léger, il disparaît. Mais seulement ton iman qui dit, toi, ça l'est là. C'est pas ça qui t'a obligé de trouver. Parce que ça qui t'a obligé pour trouver, quand pour une sa créature qui appelle Dajjal, ça qui t'a obligé de trouver, il pour trouver qui Dajjal passe côté une place. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. يَمُرُّ بِخَزْبَ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكْ Li passe côté une place désir. Mais Dieu pena non, il est une sec là-dedans. Li dit avec la terre là, اُخْرُجِي كُنُوزَكْ Kunuz veut dire trésor. Li dit, il est un trésor qui est là. Une place qui sec qui pena non, il est. Dis-moi pour désir, si oui ou non. Mais comment tu connais un trésor là-dedans toi? Comment te connais un trésor là-dedans? Chers frères et sœurs, ça c'est une précaution qui nous prend. L'eau qui était, l'eau ça qui nous appelle la sorcellerie. Qui travaille chez toi, comment il vini? X, Y fin touché par la sorcellerie, ou vous trouvez là, vini, diao comme ça, banane enterré, nous allons montrer où était. Là, la fouille là où était. Et de fouiller où trouver. Mais comment tu connais ça là-dedans? Comment tu connais une ça là, on va la tirer là? Qui va une caractéristique ça à l'os? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut nous ça. L'idée avec ça la terre là, qui est un trésor? Chers frères et sœurs, vraiment tu es un trésor en bas de la terre là. Vraiment tu es un trésor en bas de la terre là. Vous connaissez qui la terre nous peut dire là? Pas la terre que toi dirais, t'es poussé pour se télé, pour pierre, pour toi, et la grande vallée, la terre désir, je t'en quitte ça la terre là. Personne ne va prendre compte. L'eau haine la terre comme ça, il dit, c'est un trésor. Effectivement, il y a un trésor qui saute là-dedans. Divan, qui est-ce qui veut faire ça là? Divan, Sofant, un seul? Divan, deux, trois, dix mounes? Devant tout dix mounes qu'il a là, il ne fait un trésor là, sorti. Vous connaissez qui est plus drôle encore? Il vient les doigts avec l'y aller. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Fatat tabiruhu kunuzaha ka yuasibul nahl. Ungetika ou met un riche, mouzime la kouma vini avec lui, ungetika kouma mouzime la vini, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam amène sa comparaison là. L'idée d'adja li vient les deux avec trésor là, y'a allé li. Trésor là suivi, bien sûr. Trésor là suivi li. Action là, qui nous peut trouver là? Nous peut trouver avec nos ligés. Pareil, comment ça magie là, et t'as oublié de disparaître devant vous. Qu'est-ce que ça disparaît? Qu'est-ce que ça fait suivre lui? Mais est-ce que ça qui nous lige trouver qui tient là ou bien ça iman là? Il y a iman là côté chez vous. C'est à travers ça iman là que Allah subhanahu wa ta'ala pour ses ports. Et c'est lui qui ne comprend. Oui, ça c'est Dajjal. Ça c'est Dajjal. Mais si Alhamdulillah, ça dit moun qui peut vivre là-dedans là, il peut rester trouver, mais qui lui pense à l'os? Qui lui pensait? Il y a une facilité? Non, chers frères. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue le hadith qui tombe dans Sahih Muslim. Il dit qu'il y a avec tout le monde. Tout le monde. Et à la fin, Inch'Allah, nous venons avec hadith que Dajjal causait. Est-ce qu'à l'époque, on causait la lien? Il peut demander, mais causer, raconter, raconter événement. Il peut pas qu'on causait là. Chers frères et sœurs, c'est pour ça que quand nous guettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit fin amin ban rappel à travers quoi? À travers ça qui nous appelle ban histoire. C'est pas ban histoire qui fait Oudomi Djibout. C'est ban histoire comme lui-même lui dit à la fin sur Rahoud. Ça ban l'histoire là au Muhammad. Qui ban l'histoire? Ban prophète avant toi. Ma nous sabit bihi fouad. Nous pas faire récite-toi, lui, excepté Poutinito, pour Ada, Poutinito, les qui est pire. Donc, quand nous t'en ban hadith, ban ayat Quran, qui raconte tout ban événement le passé, c'est pas ban fait, bon, pour t'en ça, non. Les bizarres, il y a une relation, le nous, iman. Cher précède, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaît, qui d'adjal y a avec ban peuple. Il montre ça, ban question qui nous finit, c'est alhamdulillah, depuis des semaines, des là. Ban qui pas croit. Ban qui pas croit. Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous qu'il fait. Thumma ya'ti al-qawm fa yad'uhum fa yarudduna. Les vins vient peuple, il montre pareil. Veut dire il fait juste pas marrer vivre, il fait juste pas parer vivre, il fait la pluie tomber, banageti j'ai tombé d'adjaz. Banageti j'ai tombé d'adjaz. C'est pas une question de rien terrible qu'on dit ça là. Ça l'est là bien terrible là. Ça l'est là, c'est juste celui qui est naïman, c'est celui qui est désobéissant. Un point, c'est tout. Bana refuse-li. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Fayansur refranhum. Il virait y aller. Ensuite, qu'il y fait Dajjal, hein? Il y fait une façon qu'il applique à rectum contre sa peuple là et je bande d'animaux morts sans manger. Imaginez-nous, ça l'est là où il y a Imano. Qui appelle Tess? Qui appelle Tess? Allah subhanahu wa ta'ala envoie-lui, donne-lui sa capacité là, donne-lui ça. Pas pour lui qu'il fait ça là. Donne-lui sa capacité là. Oh Allah, je peux défier lui. Te donne-lui capacité pour faire la pluie arrêter de tomber. Et ensuite, tu fais un mot animaux? Oh, parce qu'il n'a pas gagné de l'eau. En d'autres mots, chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, payer la haine du monde qui peut défier Dajjal, excepté qu'il est pour gagner. Il pour gagner des difficultés. Mais pour gagner des difficultés. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut nous cherche protection avec ce fitna, ce tentation. Dès là, nous allons comprendre, alhamdulillah, de qui a été sa banjou là pour difficile. Ce n'est pas bonjour, on dirait, pour l'histoire, gagne plaisir. Ah, il n'écrit qu'à farol, au fond, veut dire l'hymne d'Adjal. Il n'est pas comme ça, là. Imaginez-nous aux sources de revenus, il coupe ça. Mais qui nous restait ça? Qui nous restait? Qui fait la cause, nous peut connaître? Nous peut connaître toi-même d'Adjal. Chers frères et sœurs, de nos jours, oui, nous donnons beaucoup de pays. La Jordanie, Oman, Yémen, l'Arabie, etc. Libo nous connaît qui au fait de ban hadith qu'on cité, il pas cite pour sa ban nan de nom, excepté Yémen. Excepté Yémen. Yémen, c'était une place qui était reconnue pas comme un pays, comme un endroit, à l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté pour le hadith Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, quand il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finalement vers Yémen. De là, nous connaissons Yémen des existes. Mais quand à Makka, Madina, trouve de l'Arabie, appelle ça Nadi. Une seule place. Plus là-haut, il y a un Hijaz. Plus là-haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous décrions pour Jordanie, pour la Syrie, etc. C'est ça même qu'on appelle Asham. Tout ça la rentre là-dedans. Asham. Libo nous connaît map Moyen-Orient. Non, fait, il y a ce nom, il y a. Mais seulement moi, en tant que celui qui n'a iman, lui font partie de mon din pour me connaître Moyen-Orient. Qui fait? Qui fait? Parce qu'il y a beaucoup d'événements dans sa din-là. Qui ne prend place et qui pour prendre place dans sa secteur là, là? Il y a beaucoup d'événements qui prennent place dans mon din. Dans sa bonne place-là. Quand nous pouvons dire à Cham, si vous pouvez guider le map, ou pas vous trouvez Cham jamais. Quand on peut dire nous, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 10 ans, quand il fait un voyage vers Cham, avec ce tchatcha Abu Talib, quand il finit rentre là-bas, une personne finit demander sa garçon-là, avec qui ça n'a y été. Ben là, je lis avec Abu Talib. Et je lis comme ça, il y a une ancienne prophétique, là, il protège-lui. Ensuite, il y a sa garçon-là, il dit comme ça, prépare-toi, un jour, tu peux être chez toi. 10 ans, il peut être en cause là. Prépare-toi un jour, ton peuple pour tuer toi. Qui fait nous dire ça? Parce que je suis pressé à Zodi, quand on dit nous, Jordanie, la Syrie, etc., nous qu'avons fait. On l'a même qui dans la guerre là, nous, on fait droit pour eux. Nous ne prenons comme ça. Nous ne connaissons pas ces bonnes places qui, si il y a des gens qui, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, fin protège un endroit pareil, pour faire autres gens qui ont des gens qui fin fait nous comme ça. De sa bonne place là, ça. De sa bonne place là. Parce que moi, je reconnais l'académie, mon équipe football. Ça, depuis le petit, j'ai donné l'équipe, mais moi, je suis 35 ans, je suis capitaine d'équipe là. Ça, tu connais? Quand je vais apprendre ça dans le room, je vais venir. Ça, tu connais? Depuis le petit, depuis qu'il a rentré dans l'académie. Mais seulement dans un endroit pareil qui finit être. Si ni pas ban dimoun qui fin reconnaît ça pour venir un prophète demain ça. Pas ban dimoun qui dans sa place là, je pour reconnaître Risa al-Salam. Pas ban dimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir sa place là pour Risa al-Salam descendre. Pas ban place, pas ban dimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fin choisirait pour Dajjal joindre sa destruction. Acham. Acham, ben nous coupé croix avant de placer la peine à valer. Est-ce qu'il nous coupé croix avant de placer la peine à valer? Mais non, chers frères. Oui, ma camadina n'a sur valer, peine aucun doute. Mais seulement il restait qui s'avant de placer là, parce que sallallahu alayhi wa sallam, de ce ban hadith divinité, il finit de montrer non. Valer s'avant de placer là. Quand le hadith qui est avec nous, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Thumma yatiru hatta ya'ti sham, fa yuhlikuhu Allah » Ensuite, yatiru, sara yatiru, il continue à voyager jusqu'à ce qu'il arrive à Sham. Plus précisément que ça, dans la Palestine, il y a une place, son nom même Bab Lut. Bab veut dire la faute. Lout, c'est un nom. À ne pas confondre que ça, c'est un apôtre. Non, c'est pas un apôtre, c'est un endroit. C'est un endroit qui se trouve dans la Palestine. Chers frères et sœurs, d'ailleurs, Inch'Allah, dans le dernier hadith qui est avec nous, Dajjal, il peut prendre direction à Cham. Il peut prendre direction à Cham jusqu'à ce qu'il arrive dans sa place-là. Et dans sa place-là, qui s'en va attendre? Risa al-Salam. Oh donc, moi, un celui qui n'a iman, je connais Alhamdulillah qui sa créature qui appelle Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les joints de destruction comme ça. Dans Cham. Dans Cham, exactement comme ça. Dans la Palestine. Ça, c'est qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin fait nous connaître, et comme on dit dans l'autre hadith, Tuktal ibn Maryam ad-Dajjal bi Babilut. C'est Isa alayhi salam. Comment il a mené Tukta, Lipoutouili, Kisana ibn Maryam, veut dire Isa alayhi salam, Ad-Dajjal. Et c'est lui-même qui boutouille Dajjal. Chers frères et sœurs, depuis quelques semaines, nous venons, alhamdoulilah, concernant Dajjal, quand nous pouvons dire ce commencement, quand nous pouvons dire ce ban fitna et nous connaître que Salibi Almo, nous disons bien, pas prendre comme un événement, pas prendre comme un quelque chose qui voit, nous connaissons l'histoire, non. Zis connaît. Parmi ban quelque chose, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Man naja min salasan faqad naja. Man naja min salasan faqad naja. Man naja min salasin faqad naja. Trois fois dit ça. Celui qui ne s'appelle depuis trois quelque chose, certainement il finit s'appeler. Celui qui finit s'appeler depuis trois quelque chose, certainement il finit s'appeler. Celui qui s'appelle depuis trois quelque chose, certainement il finit s'appeler. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. En trois coups dit ça. Mais qui ça trois quelque chose là ça? Qui est capable d'arriver comme ça? Premier qui lui dit, chef frère, lui dit, Mauti, Bolamou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne sapait comme un mot, certainement il ne sapait. Deuxième lui dit, Dajjal. Celui qui ne sapait, Dajjal, il ne sapait. Et troisième lui dit, Qatlu Khalifatul Mustabir Bilhaq. Un celui qui, les fins sapés dans l'époque qui, au fait, tient un bon juge, les tu prends patience et les tu es juste, malgré sa banane tout lit. Nous répondons à ces trois-là. Premier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut dire trois fois, celui qui ne sapait avec ça, les fins sapés. Premier, il dit sur l'amour. Sur l'amour qui fait. Sur l'amour qui fait. Chers frères et sœurs, nous prenons l'idée depuis le début. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un matin quand il levait, c'était un lundi, il dit avec son bon compagnon, amène-moi Uhud. T'as bien là, il dit, amène-moi Uhud. Un prophète qui, déplace pour lui, hein? Il dit pas des autres, soyez-le là. Non, accompagne-moi Uhud. Ben accompagne-le. Il fait une visite. Il va des autres, non, il. Comment finir? Il dit à Jésus, amène-moi Bakir. Ben accompagne Bakir. Il était. Deux Bakir, il ne prend sur la main, il pose de Ibn Abbas, radiallahu anh. Deuxième la main, le Ali, radiallahu anh, se dédipie, logué. Ben apprendit, comment trouver, ramper, se dédipie, rap en bas. Ben apprendit, amène-lui de sous la cave. Il va ressortir là. Il va ressortir là. Parmi les étapes qui viennent, chers frères et sœurs, c'est quand il arrive les soirs là, c'est un amal. Quand il dit, oh Aïcha, est-ce qu'il va même finir un amal? Qui a acheté répondu? Ya Rasulallah, je peux attendre toi. Tu les auras ça. Parce qu'après Fajr, qui vient de sortir. Deuxième coup, après un bon moment, il redemande, oh Aïcha, est-ce qu'il vient de faire un amal? Il dit, Ya Rasulallah, je peux attendre toi. Troisième coup, il redemandait, oh Aïcha, est-ce qu'ils ont fait namaz? Il dit, Ya Rasulallah, je peux attendre toi. Veux dire sa bonne compagnon là, comment puis attendre sa amir là, vini? Quand si attendre, je peux attendre. Ici, il est déjà imam, où il était à 15, il est descendu, où il était à 16. Il est déjà imam, descendu, où il était à 16? Où est-ce qu'il est bon? Oh, imam, là, quand il était ordé, il était ordé par même 20 secondes. Donc, on a une réaction qui pourrait être chez frère. Ici, Namaz Oral, ben, on continue à attendre même là. Ce moment-là a commencé. Chef Bresser, il est avance rideau, il signale Abou Bakr, radiallahu anh, debout. Et c'est vision pour ce moment-là. Première fois dans l'histoire, dans la présence de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une autre personne fait debout imam pour un Namaz obligatoire. Première fois. Qui fait Oudibout de Yalila? Oudibout devient Watan encore. Nous devons trouver simple, nous. Mais seulement essayer rentre en dents à l'intérieur de Saman Sahaba là. Ou Abou Bakr, nous vous débout de Yalila, toi qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Pourquoi nous faire ça? Chers frères et sœurs, les vins plus durs. Les vins plus durs. Quand? Abu Bakr radiallahu anhu li Saouti, il dit avec Banki de Masjid, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa dunya là. C'est une nouvelle là, oui, non? De ce moment-là, en Omar radiallahu anhu tient ce sable, il dit, c'est lui qui dit à Muhammad il m'a mis sur le cou. Qu'est-ce qui a causé là? Qu'est-ce qui a causé là? Est-ce que Omar radiallahu anhu fait ça pour aujourd'hui nous causer? Qui a été pas capable de dire ça quelque chose là? Qui a été vraiment le Dieu pour eux? À partir d'aujourd'hui, nous voir retrouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant nous. Comment ça? Comment il peut être pour eux? Quand il dit à nous, après quelques jours, quand Bilal radiallahu anhu donne azan, quand il finit dit Ashadu Allah ilaha illallah des fois, quand il dit Ashadu Anna Muhammad al-Rasul, il arrête la même. Depuis ce jour-là, il arrête de Nazan. Il dit parce que mon cas quand il prononce ce nom. Oh Bilal, toi, ça dit mon comment tu es important devant nous autres la vie, cher frère. Ça personne là comment tu es important. Est-ce qu'il nous fait ici comprendre qu'on peut dire nous, c'est lui qui est parti là, il s'appuie avec son amour. Parce qu'il a glissé quand il est allé, oui non. Nous imaginons quand nous, maman, papa, il meurt. Comment nous dire, on va dire ça. Non, il arrive quelque chose là. Qui n'arrive? Pas besoin de Wenzo. Un dimoun qui nous pas attendre, un coup, les proches avec nous, nous nous donnent nouvelles, il meurt. Comment, qui arrive nous là? Est-ce qu'il nous reste à accepter l'os à premier coup là? Bon, il arrive sur lire ça à l'os. Ou bien nous commençons à causer. Nous commençons à laisser l'émotion là dominer nous. Ça, quand une personne donne proche, quand on peut dire nous comme ça, on ne peut pas finir de trouver un djimoun content un autre djimoun, comme un compagnon de Muhammad content Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien avec sa bande djimoun là, ou dire que Muhammad il m'a dit. Comment je prends ça? À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas retrouver Muhammad devant eux. Comment je peux prendre ça, cher frère? C'est ça, première quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est lui qui ne sapait des mots, puis mon amour, il ne sapait. Parce qu'il a glissé sa lien-là. Mais alhamdulillah, aucun sahaba n'a glissé. Qui fait? La cause même appelle d'autres sahaba. Hein? La cause même appelle d'autres sahaba. Mais Dieu, je vous gagne un petit esprit au-delà, oui non? Je vous gagne un petit esprit au-delà, je vous. Parce que quand on les a dit souvent pour venir, j'étais, je suis content de vivre dans l'époque Sahaba. Donc, chaque mois, j'étais Mohammed, qui est dunya, t'as glissé, toi, c'est un peu là. T'as perdu dunya, t'as perdu akhirat. Puis, t'as vécu 1400 bananes après, à qui ça t'y iman, qui est là, comment dire, un brin d'ivile là, toujours nous souhaiter qu'Allah fait nous mollo là. Qu'il là-bas, que tu peux résister sa dina comme Mohammed qui est dunya. C'est pour ça qu'il, dans ce moment-là, Abu Bakr, il a dit Allahu anhu, l'inédine avec Omar radiallahu anhu li gesli jali ma kana Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutil qalabtum ma kana Muhammad illa rasul Muhammad di pas n'a accepté un messager afa in mata aw qutil qalabtum si arrivé les mots ou bien ben tu il t'aurais retourné veut dire tu quittes sa dine. Omar radiallahu anhu dit, comment dire première fois mon temps sa ayat là? Comment dire première fois mon temps sa ayat là? Il est rétracté, oui non? Oh Omar, toi, qui ne t'y est sable, que tu coupes les coups dans le compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il ne dit à toi, oh Omar, Muhammad est quitte de l'unia. C'est ça que tu coupes les coups. Qui a été vraiment, il va faire qu'à digérer ça, chef. Est-ce qu'il m'a fait ici comprendre qu'il dit, alhamdulillah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui ne savait que l'amour qu'on aime savait. Parce que ce l'amour, ce n'était pas une souffrance pour nous. Mais c'était un thé. C'était un thé. Parce qu'il était fini, prépare au bon compagnon qu'il est pour qu'il dise oui non. Chers frères et sœurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Masjid al-Nabawi, il réunit tous ses bons compagnons et il dit à eux, un serviteur qui a un choix. Soit il reste pour tout le temps, soit il monte. Il dit à sa serviteur là, il choisit pour lui monter. Il a le mala, il a là. dans sa masjid rempli avec ben sahaba là, un seul du monde pleurait dans sa masjid là, un seul. Connaissez ça? C'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et vous voyez sallallahu alayhi wa sallam, je me connais une confond qui m'a dit. Mais quand il a l'attachement de Tina, il n'est pas venu dire, oh Muhammad, tu peux dire tout même là. Il n'est pas venu dire ça. Dans sa masjid là, un seul du monde pleurait. C'est Abu Bakr radiallahu anhu. Qui fait une finie confrontation Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aller faire. Parce qu'il est même qui n'a pas sa choix là. Qui a été l'attachement je tiens à l'os. De sa qualité l'attachement là, chers frères et sœurs, de sa qualité l'attachement là, où vini ou Jésus, comment tu parles avec Muhammad après Jésus dit. Nous, un des gens qui nous habitait au lit de Masjid, quand nous rentrons, quand nous allons trouver, et ça te rappelle ça, bah, ici, de quoi là. Là-bas, quand je rentre dans ma zid, c'est lui qui me déboute imam. Pendant 13 ans dans Madina, je trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fajal Skaïcha, me déboute devant eux. Imagine-nous, ce premier jour que je ne vous ai pas trouvé là. Comment je sens eux? Comme il n'a pas glissé de ce moment-là, chers frères. Mais c'est moi quand je veux dire, Alhamdulillah, je ne vais pas glisser. Mais c'est moi, c'était une étape difficile pour ce tout homme. C'est une étape difficile. Ce n'est pas tant de dire, Muhammad, il n'a rien fini. Il n'est pas comme ça, là. C'est là qu'il nous a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui nous sape de ce moment-là, vraiment il nous sape. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est lui qui nous sape au Dajjal, il nous sape. Et ça, alhamdulillah, quand nous guettons rendez-vous semaine passée, semaine avant, quand nous venons, chers frères et sœurs, nous trouvons ça va être un test là. Ça va être un fitna qui est fait là, vraiment c'est lui qui nous sape avec lui. Il nous sape, oui, non. Il nous sape, chers frères. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa qatlu khalifatul mustabir » Mustabir sabr, un khalifa qui n'a pas chance. Les deux ban qui méritaient, bil haqq mouté. Veut dire ban qui méritaient, les deux autres, veut dire les autres. Malgré ça, banatoui li. C'est ça qu'a dit, mouna je vais tuer. De qui pour rester à l'os? De qui pour rester? Ça quand tu dis, maintenant je peux tuer. Chers frères et sœurs, capable, nous pas fait trop confort, surtout de nos jours, de nos bons jours, qu'on peut dire, nous peut tuer, ça quand tu dis, maintenant un khalifa. De l'Ebou Koumar, radiallahu anh, des garçons qu'on finamène, des frères, quand je finis un garçon, je finis de dire, oh Omar, l'intuit-nous papa. En fait, c'est un nom à dire. Quand le garçon-là finit de dire, oh Omar, mon père ne te dit pas exprès. Mais seulement, c'était mot à mot qu'il y avait un coup de rose, papa-là. Et comme on rani pareil, ça coup de rose, ça qui finit de dire. J'ai intentionnellement, mon père, pour pas que tu dis. Omar radiallahu anhu, dans la radine contient une tuerie. Ça veut dire qui vous a fait avec ça, garçon là. Vous êtes tué. Il dit, oh Omar, mon père n'a pas peur. Moi, j'ai un petit frère. Donne-moi 3 jours avec toi. Vous finissez, stabilise mon petit frère. Vous finissez, mettez ça. Vous retournez. Tu appliques la loi qui vous a appliquée avec moi. Il connaît que la loi vient de l'Oli, là-bas. Omar, radiallahu anhu, Getli, il a dit qui garantit tu es là. Qui s'en a des bouts de garantie pour lui? Abu Dharrin, radiallahu anhu. Ya Rasulallah, vous garantissez lui. Vous connaissez qui vous garantit là? Si ça n'a pas venu, qui s'en sort de vous couper? Il y a Rasulallah, me garantit-il? Ça a son âge. Un jour, 2 jours, 3 jours. Chef et sœur, que son papa arrête du tout. Il ne va pas arrêter du tout. Des frères là, à vos âges. Oh, vous êtes. Il va pas venir. Il n'y a pas de roumain pour dire ça. Mais seulement après à ça, dans son arrêt, tu vois. après à ça, le garçon l'a retourné. Quand il est retourné, Omar radiallahu anhu, il a dit, t'es retourné? T'es retourné? Parce que tu connais qui fait toi là? Tu fais un crime toi? Et tu donnes l'état islamique? Il a dit, Omar, oh Omar, je suis retourné parce qu'il m'a pas oublié. Ben là, dire un musulman, il me donne une parole, il va retourner. Ensuite, il va retourner. Il dit, on va nous lever à son cause comme ça. Il dit, à quoi ça, on retourne. Et qui traque à l'ingénie, là? Oh, Omar, on retourne. Il retourne pour qui était là? Pour les coups sauter là. Il dit, à mon pan, retourner, excepté pour les personnes pas besoin de ça. Qui un musulman sauvé, il n'a allé. Il va retourner. Omar radiallahu anhu dit à Abu Dhar, il dit à Abu Dhar, mais qui fait un accepté des bouts de garantie pour lui? Parce qu'il ne va pas attendre de retourner. Abu Dhar radiallahu anhu dit à lui, oh Omar, vous ne voulez pas que personne dise un musulman, une dévonne, une garantie, personne ne va retourner sur la terre. Vous ne voulez pas que personne dise un musulman, une demande, un aide pour garantir lui. Personne ne va une réponse sur la paix. J'ai la cause à mon accepter pour des bouts pour ça, garçon là. De ce moment-là, quand ça dit frère là, il entend ça, qui veut dire? Je veux dire, si dans une époque comme ça, nous vous quittons un garçon, nous vous appliquons la loi, un garçon pareil, mais qui vous restez alors? Des frères là qui acceptez pardonner, même du jeu de papa. De ça, l'époque là, peut préserver Banjimoun pareil. Dans cette époque-là, à l'époque Omar radiallahu anhu, mais dans l'époque qui pouvait en chercher. Qui qualité s'il y a un dimoun qui juste nous visait préserver? Mais sa qualité dimoun n'a de tout lié. Mais qui va arriver à la paix à l'os? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, troisième, c'est lui qui ne s'appuie avec une époque pareille. Mais dire que Banna élimine un chef qui juste. Mais dire qu'il va vivre à l'époque-là. Connelline? Donc, chers frères et sœurs, ça c'est trois petites choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit nous connaît concernant ban aspect, ban rappel qu'il est fin amené, concernant ban gravité qui est capable de venir devant un croyant, mais seulement si Allah subhanahu wa ta'ala fin protège lui, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir lui. Et en dernier, chers frères et sœurs, c'est hadith. Fatima binti Qais, radiallahu anha. Fatima binti Qais, radiallahu anha. Je vais citer parce que c'est une madame. Fatima binti Qais, radiallahu anha, celle qui rapporte hadith Dajjal. Ou on vit comme Dajjal qui nous dit, connaît sa hadith rapportée pour une madame. Et je te copie dire, ça dit n'a pas donné valeur à madame. C'est donc qu'on peut dire. Donc il n'arrivait pas à répondre à ce compte. Il dit, montagne l'appel de Opolé, veut dire l'appel, comment pour nous de Opolé, montagne l'appel de Madina, peut dire, réunis-nous en congrégation pour Namaz. Parti dans les Namaz seulement. Parti dans les Namaz. Réunis-nous en congrégation pour Namaz. Tout le monde sera là qui vous a fait. Qui travaille, qui tout là, tout rentre dans ma vie. À cette époque-là, c'est comme ça. Fait l'appel là faux. Qui tout, et même madame prend place. Il dit que mon temps ça, mon allez. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin prend place le mimbar, il fait éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit avec son bon compagnon, est-ce que vous connaissez qui fait mon réunis aujourd'hui? Ben a dit, Allah avec ce prophète qui connaît. Excepté pour vous une question concernant nous dîmes. Il dit, Tamim ad-Darimi. Tamim ad-Darimi, qui est un chrétien. Il dit, il fait que vous venez moi là, mon appel d'autres pour me faire d'autres comme ça. Ben a dit, hier soir, qui est-ce que toi? Il dit, il y a quelques temps de cela, puisqu'il est moi, il sortit, lui, chrétien. Mais c'est moi quand il me dit, viens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il me fait. Il me fait, ben, il n'envoie l'islam, non. Il m'envoie l'islam. Qui fait? Parce que, Tamim Adarim, quand il finit sorti avec son bon compagnon, environ 30 mounes, le un pirogue, ils ont sorti la mer, pendant un mois, ils ont perdu le contrôle de ce bateau, quand le bateau là, quand le divan soufflait, ils ont allé. Ils ont pas gagné le contrôle du bateau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, et bien, il finit 10 à 6 de pirogue, il a bateau là, comme pendant un mois, que le bateau amène zut, amène zut. En fait, c'est clair pour nous, ce n'est pas le divan qui l'a amené à faire. C'est Allah qui prend le bateau là et amène nous. L'idée est jusqu'à ce qu'il nous vienne retrouver nous l'ON, l'ON Lille. Fin retrouve nous l'ON Lille. Première chose qui nous fait face à l'île là, c'est un animal qui est bien poilu. Poil plein l'eau lit. Poil l'ON façon plein l'eau lit ces animaux là qui paraissent si différents chez ce divan et soit laurier. Tout pareil. Banafine pire. Banafine. C'est une pire. Ça prend du monde, j'ai dit comme ça que tu étais toi. Il dit, moi-même c'est déjà ça. Déjà ça. Comme ça il répond. Il dit, moi-même déjà ça. Il cause tout. Il a fait peur moi. Au fait, pour moi, qu'est-ce que vous avez fait là? Dans les comme ça là. Imagine nous, poil plein l'eau. Il n'y a pas connu que divan, que hier, comment il était là. Et l'eau là, il fait cause au tout. Vous avez fait moi? Pour moi, qu'est-ce que vous avez fait? Get là où il y a un monastère. Un monastère, nous connaissons. Il y a un monastère, comme ça. Comment est-ce que nous, etc. Là, enfin, on dirait que nous connaissons. A get un monastère là, il y a un kikan là-bas. Il y a un dimoun là-bas. Bana de frayer avec Jassa, ça, qui se fait? Je pique et je monte. Je parle de monastère. Frayer, je pique là. Comment je rentre là-bas? T'as mis ma dame de me dire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ça, il dit, nous fin trouve un dimoun, de là nous connaissons, il y a un dimoun encore. Un dimoun qui fin assisé sur l'armée au solikou, inattaché. Il attache sur l'armée au solikou, sur des genoux, fin attaché, veut dire fin métier assisé, fin attaché sur des genoux, en sur des genoux, il y a un serail. Qui jamais nous trouve un dimoun être attaché comme ça. Et jamais nous trouvons du monde belle comme ça. Il est belle. Il est belle. J'avais connu la zone. Il dit ce que j'aime faire là. Expliquez. Il explique depuis le commencement. Nous sommes dans un pays arabe, nous venons, nous sommes bateau, nous poussons nous pendant un mois, quand nous arrivons là, nous trouvons déjà ça en bas, nous payons. Ils ont dit, tu vois, nous payons. Il y a quelqu'un qui nous veut monter une guette. Je dis, oh. Première question qu'il pose. Banda de Beysan. Beysan. Beysan, qui est ça? Beysan, chers frères et sœurs, c'est un endroit de la Jordanie. C'est un endroit de la Jordanie. Il dit ce banda, ce bantam. Je fais gagner. Il me pose question, lui. Hein? Il pose question, lui. Banda, je dis oui. Tu es rapporté plein encore. À cette époque, il est dans la chambre. Il dit, tu vas être rapporté là. Il faut arrêter à porter. Effectivement, il y a la bastille. Qu'est-ce qu'il est pour nous faire causer à 1400 ans de cela? Les contiens, les diazotes, Tibéna. Tibéna, c'est un endroit dans la Palestine. Les diazotes, encore il y a des loups là-bas, encore il y a des loups. Maintenant, j'ai dit oui. Beaucoup fait service à des loups là. Et j'ai dit, vous sec là. Et vous? Et vous sec. Si vous allez, c'est la peine des loups là-bas. Chef Ressel, quand il pose une question comme ça, l'eau alentour, ensuite en dernier, il dit juste comme ça, sa personne qui est venue depuis Makka, et pour les préciser bien là, il est venue depuis Makka, qui est parti connaître les fingers, la révélation, et l'inbizin bouzeyal Yathrib. Attention. Il dit, l'inbizin bouzeyal Yathrib. Il va dire Madina là, lien. Il dit Yathrib. Sa personne là, il est venu. Vanna, j'ai dit oui. Il dit, Vanna, mais paraît beaucoup pour m'éloigner alors. Paraît beaucoup pour moi être libéré. Il dit, Vanna, il dit, comme ça. Dans 40 jours, pays n'a un village dans Salimona, excepté qui m'a vous rentré. Mais venez, vous avez fait causer là. Dans 40 jours, et hadith avant, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ça oui non. Quand il finit ça, il dit ça à la fin. Parce qu'il t'a mis ma darimé, il va te combattre l'islam. Il finit tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à quelque chose là. Il se livre tant ni la fin direct oui non. Il t'a mis direct à Syrie, depuis le Djalmin. Il a dit pendant 40 jours, peine à un village, excepté qu'il m'en faut, qu'il m'en faut rentrer. Ensuite, il dit que je suis comme ça, excepté ma cas avec Yassim. Mais seulement quand lit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte ça, il prend son badin, il tape en bas, il dit ça c'est Madina, ça c'est Madina, ça c'est Madina. Qui fait parce que Yassim, c'est un nom détestable qui servit pour Madina. Une fois qu'il appelle l'Imadina, appelle l'Imadina. Donc, Dajjal même peut dire, les JP dans un village, pendant 40 jours, excepté pour finir rentre partout. Et Rasul dit, guettez, j'ai moi accepté Marca avec Madina. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pile ce badin salaire là, il montrait, il dit, c'est ça Madina là. Il dit, parce que comme vous parlez Madina, ben ange pour vier moi, pour montrer moi, à Cham. Et c'est là-bas qu'ils m'ont besoin de mots, l'amour. Et c'est là-bas qu'ils m'ont besoin de mots, l'amour. Chers frères et sœurs, parce qu'ils commandent, et dans prière, qu'on nous a dit ça, nous continuons à dire jusqu'à la fin. Paraisse beaucoup la vestigite pour nous enlever doute de nous la tête à se dire. Banane guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, est-ce que c'est un île de Yémen? J'ai non. Banad a dit, est-ce que c'est un île près pays arabe? Il dit non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Madina, on y vient. Si il y a assis le mimbar, quand on assise le mimbar, définitivement, Qibla à côté. Donne-nous les deux. Madina, chers frères et sœurs, quand l'y trouver. Nous, Maurice, nous en bas. Nous gagnons Maka, Madina, pli là-haut. Vision ça bien devant nous. Védiat, s'il y donne les deux. Qibla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire face avec les nôtres. Il peut faire face avec les nôtres, sauf qu'il y a que les nôtres. Quand on a dit à Rasulallah, écoute ça, il prend sur la main et il fait comme ça. Il dit certainement c'est une île dans l'est. Certainement c'est une île dans l'est. Chers précieux, c'est l'autre côté là-bas. Ça. C'est dans l'est. Qui fait nous dire ça? Comme il y a une route montrée qui soit à 10 ans, parmi même place qui était, c'est Maurice, etc., qui a déjà trouvé. Fausse. Adi, il va montrer nous tout clair. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Madina, et lui montrer ce bon compagnon, il dit à certainement c'est un île qu'il trouve dans l'est. L'est, et lui montrer lui avec cela, mais excepté c'est dans sa direction-là, qui sa ville-là était. Et dans l'est, nous prenons lui comme ça, dans l'est. C'est ça l'île qui, Dajjal, Astiela, Lila, oui, Lila. En d'autres mots, Dajjal était vivant depuis l'époque qui s'en a chez vous et soeur. La soeur, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est vivant. Et c'est lui qui peut lui quand ça lui peut venir. C'est ça qu'Inch'Allah, l'autre semaine, nous commençons chez vous et soeur, la descente de Risa alayhi wa sallam. Quand ça lui descend, depuis la place qui finit spécifiée, depuis parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa place à côté trouvée, et ensuite sur l'entrée, dans Madina, et Alhamdulillah, quand je fais concernant Imam Mahdi, nous venons passer, mais ensuite, qui se bat action qui vient, Inch'Allah, pour cette semaine, chers frères et sœurs, nous prend, comment nous capables d'y aller, la descente de Risa alayhi salam vers sa Ummala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.